Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasooluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de se rassembler pour l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements du noble Cheikh Muhammad, du savant de l'islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Nous sommes actuellement dans la cinquième assise. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister dans cela et de nous faire profiter et de nous permettre d'appliquer ce qui va être dit. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. L'auteur du livre rahimahullah ta'ala a dit: quant aux différentes formes d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnées, comme l'islam, la foi, la bienfaisance, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, le sacrifice, le serment ou le vœu, et d'autres formes d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné d'accomplir, sont toutes pour Allah. La preuve de cela est dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Dans le cours précédent, nous avons vu les différentes preuves concernant l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jalla. L'auteur a cité pour cela plusieurs preuves parmi les preuves rationnelles et religieuses. Nous avons également vu la règle tirée des textes qui est d'argumenter à travers l'unicité de la seigneurie pour faire reconnaître aux serviteurs l'unicité de l'adoration. Allah est le seul à créer cet univers et ce qu'il contient. Il est également le seul à posséder tout ce qu'il y a dans cet univers. Il est également le seul à administrer cet univers. Il a créé l'homme, lui a octroyé sa subsistance, l'a comblé de ses nombreux bienfaits. Il est donc le seul à mériter l'adoration sans associé. À la suite de cela, l'auteur du livre cite dans ce paragraphe plusieurs catégories d'adoration qui doivent être vouées exclusivement à Allah Azza wa Jal. Il a cité ces catégories d'adoration à titre d'exemple, et la liste n'est pas exhaustive. L'adoration, nous avions vu dans les cours précédents la définition de l'adoration, et nous avons dit qu'elle avait un sens général et restreint. Nous avions également mentionné la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, concernant l'adoration. D'ailleurs, les savants disent que c'est la définition la plus complète de l'adoration. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit: l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles extérieures et intérieures. Ensuite, l'auteur du livre a cité la preuve de l'interdiction de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah. Il dit: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah Azza wa Jal. Sourate Al-Din, verset 18. Dans ce verset, il y a l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et le sens du verset est général à toute chose ou personne qui est associée Allah Azza wa Jal. Car comme nous l'avions vu, le mot personne en arabe, ahadan, ici est indéfini, qui est mentionné dans un contexte d'interdiction. C'est-à-dire, nul n'a le droit d'être invoqué avec Allah ou en dehors de lui. Que ça soit un ange, un prophète, un homme, un pieu, un djinn, un arbre, une statue ou quoi que ce soit. Dans le terme, les mosquées sont les endroits où on prie, où on adore Allah Azza wa Jal. Ce qui est voulu également des mosquées, c'est la terre tout entière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, il m'a été donné la terre entière pour mosquée et comme purification. De même, ce qui est voulu des mosquées, comme a dit le noble cheikh Saleh al-Fawzan, c'est les membres du corps sur lesquels on se prosterne. On comprend alors que le terme que les mosquées sont consacrées à Allah, c'est-à-dire la terre, les endroits de la terre et les membres sur lesquels on se prosterne sont consacrés à Allah et il n'est pas permis d'invoquer autre qu'Allah. L'invocation est de deux sortes, l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande qui est de demander directement en disant par exemple « Oh Allah, pardonne-moi » ou « Oh Allah, fais-moi miséricorde ». Quant à l'invocation d'adoration, c'est d'accomplir par exemple la prière, le jeûne, donner la zakat. Le serviteur à travers ses adorations demande indirectement à Allah la récompense, le pardon et la miséricorde ou autre. Les deux sortes sont liées l'une à l'autre. Cheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala a dit, chaque invocation d'adoration implique une invocation de demande. Ensuite, l'auteur rahimahullahu ta'ala a dit, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Il dit, celui qui consacre une de ses adorations à un autre qu'Allah sera considéré comme un polythéiste et mécréant. La preuve est la parole d'Allah. Quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Surat al-Mu'minun, verset 117. La base, c'est que tous les actes d'adoration doivent être voués à Allah Azza wa Jal seul. Et celui qui sort de cette base en vouant des actes d'adoration à autre qu'Allah est alors un polythéiste. Et alors, un polythéiste, ceci du point de vue de cette base que nous venons de citer. Quant au fait de rendre une personne précise mécréante, alors pour cela il faut que toutes les conditions soient réunies, comme l'établissement de la preuve et autres. La preuve que la personne qui voue un acte d'adoration est un polythéiste mécréant est le verset que l'auteur a cité. Dans le sens du verset, quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes auprès d'Allah. Certes, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Surat al-Mu'minun, verset 117. L'imam Ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit concernant ce verset, quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire tous ceux qui invoquent une autre divinité avec Allah n'ont aucune preuve de la légitimité de ce qu'ils font. Bien au contraire, toutes les preuves et tous les arguments vont à l'encontre de cela et témoignent de la fausseté de ce qu'ils font. Ils seront présentés à leur Seigneur qui les rétribuera pour leurs œuvres et n'auront rien à obtenir car ils sont mécréants. Fin de citation. Ensuite, l'auteur du livre a dit, « وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dans le hadith, l'auteur du livre a dit, dans le hadith, l'invocation est l'essence, l'essentiel de l'adoration. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer. L'auteur du livre commence à énumérer et à mentionner les différentes catégories d'adoration qu'il avait citées de façon générale, ainsi que les preuves, que la preuve ou les preuves pour chacune de ces catégories. Il commence par l'invocation, sachant que l'islam, la foi et la bienfaisance qu'il a citées seront expliquées dans le deuxième fondement, bi'idhnillahi ta'ala. Il commence par l'invocation. L'invocation, comme nous l'avions mentionné, est de deux sortes. L'invocation d'adoration, comme la prière, le jeûne, le hajj. À travers ces adorations, le serviteur demande indirectement à Allah la récompense, le pardon, la miséricorde. Et deuxièmement, l'invocation de demande, comme demander directement ses différents besoins à Allah Azza wa Jal, en disant « Ô mon Seigneur, pardonne-moi, ô mon Seigneur, donne-moi la guérison » et autres. Ces deux catégories sont destinées et vouées à Allah Azza wa Jal. Et celui qui dirige une de ces deux catégories à autre qu'Allah est a commis du polythéisme. Celui qui invoque autre qu'Allah en demandant une chose que seul Allah est capable de réaliser est un polythéiste, que cet être invoqué soit vivant ou mort. Mais si la personne demande à un être vivant, présent, ce qui est dans sa capacité, alors ceci est permis, comme demander à une personne présente, vivante, de lui donner à boire. En résumé, les trois conditions pour pouvoir demander à une personne une chose, il faut que la personne soit vivante, présente et capable de réaliser cette chose. L'auteur a mentionné pour cela le hadith de Anas rapporté par At-Tirmidhi. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Ce hadith a été jugé faible par les savants, mais il y a un autre hadith qui le renforce et qui est authentique et qui va dans le sens de ce hadith qui est « Ad-du'a'u huwa al-ibada » l'invocation et l'adoration même. Ce hadith est le hadith de An-Nu'man ibn Bashir rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ce hadith prouve que l'invocation est une des plus grandes catégories de l'adoration. Ensuite, l'auteur du livre a mentionné le verset de Surat Al-Ghafir, verset 60. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a appelé l'invocation adoration. Car il dit, invoquez-moi, et ensuite il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Ceci prouve que l'invocation est une adoration. Nous retenons également de ce verset qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'invoquer et nous promet d'exaucer nos demandes. Allah se met en colère lorsque l'on délaisse son invocation. Quant au serviteur, il se fâche quand on lui demande quelque chose. D'ailleurs, le poète a dit « Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu » وَبَنِي آدَمْ حِينَ يُسْأَلُ يَرْضَبُ. C'est-à-dire, Allah se met en colère si tu délaisses son invocation et le fils d'Adam, lorsqu'on lui demande une chose, se met en colère. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. La preuve concernant la peur d'Allah se trouve dans la parole d'Allah. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Sourate Ali Imran, verset 175. L'auteur cite ici la deuxième adoration parmi les adorations qu'il a citées, qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. La peur, c'est l'effroi, la frayeur que l'on éprouve en perspective d'un événement. La peur se divise en deux, la peur naturelle et la peur d'adoration. Quant à la peur naturelle, comme le fait de craindre quelque chose clair dont son mal est avéré, comme avoir peur d'un serpent, d'un scorpion, d'un brigand, alors ceci est une peur naturelle que tout être humain peut ressentir. Cette peur n'est pas blâmable. Deuxièmement, la peur d'adoration. C'est la peur par laquelle on adore Allah Azza wa Jal. Celui qui voue cette peur à autre qu'Allah, dans ce qui n'est pas dans sa capacité, aura commis du polythéisme. Comme avoir peur des shayatines, des djinns, des tombes, des morts, des chefs de confrérie et autres, et croire qu'ils ont la capacité de rendre malade une personne, ou d'ôter la vie d'une personne, ou de nuire aux personnes de la famille ou de notre famille, ou croire qu'ils sont capables de couper la subsistance. Cette personne, si elle voue cette peur à autre qu'Allah, alors aura commis du polythéisme. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَدَلِيلُ الرَّجَى قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » Il dit « La preuve concernant l'espoir en Allah et la parole d'Allah Azza wa Jal, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. » Surat Al-Kahf, verset 110. L'espoir en Allah, c'est d'espérer en Allah sa récompense, sa miséricorde, son pardon, tout en accomplissant les bonnes actions. Et il est demandé aux serviteurs de lier entre l'espoir et la crainte d'Allah. C'est pour cela que les gens de science disent « La peur et l'espoir sont les deux ailes du serviteur », c'est-à-dire que le serviteur est constamment entre la peur et l'espoir, et il penchera dans des moments précis vers la peur ou vers l'espoir. Nous voyons à travers ce verset que l'espoir seul ne suffit pas, mais il faut faire suivre cet espoir de bonnes actions. Les bonnes actions sont celles qui ont réuni deux conditions, la sincérité pour Allah Azza wa Jal dans l'acte, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire l'acte. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Il dit « La preuve concernant la confiance en Allah et la parole d'Allah Azza wa Jal, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. » Surat Al-Ma'idah, verset 23. Il dit également « Subhanahu wa ta'ala, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » Surat At-Talaq, verset 3. L'auteur du livre cite ici la quatrième adoration parmi les adorations qu'il a citées, qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. La confiance en Allah. La confiance en Allah est également une adoration qui provient du cœur. La réalité de la confiance en Allah comporte trois choses. Premièrement, le fait de déléguer toutes ses affaires, s'en remettre à lui dans la recherche du bien et dans le fait de repousser le mal. Deuxièmement, prendre et faire les causes religieuses, demander. Troisièmement, ne pas se reposer et se tourner vers les causes après les avoir fait ou après avoir accompli les causes, mais se tourner vers celui qui les a causés, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Les pieux prédécesseurs disaient le fait de se tourner, de se reposer sur les causes est un manquement dans le tawhid, et le fait de nier et de ne pas faire les causes est un manquement dans la raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Il dit dans le sens, si chacun d'entre vous Placez sa confiance en Allah comme il se doit. Il vous donnerait votre subsistance comme il donne la subsistance à l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et rentre le ventre plein. Nous voyons dans ce hadith que l'oiseau fait les causes. Il sort pour aller chercher sa subsistance. Il ne reste pas dans son nid à attendre. Ensuite, l'auteur du livre a mentionné pour la confiance deux versets. Le premier, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Sourate Al-Ma'ida, verset 23. Nous voyons dans ce verset qu'Allah a fait de la confiance en Allah une condition de la foi. Dans le deuxième verset, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Sourate Al-Talaq, verset 3. Nous voyons dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal a promis à celui qui place sa confiance en Allah qu'il lui suffira dans toutes ses affaires. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. La preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir et par crainte et ils étaient humbles devant nous. Sourate Al-Anbiya, verset 90. L'auteur du livre cite ici la cinquième, la sixième et la septième adoration qui doivent être vouées à Allah Azza wa Jal seul. Al-Rorbatu, le désir intense. Le désir intense, c'est l'envie d'obtenir une chose aimée et qui est auprès d'Allah. Tout en œuvrant, et cette catégorie, Al-Rorbatu, le désir intense, revient à l'espoir. Al-Rahbatu, l'effroi, c'est une peur intense qui pousse à fuir le châtiment d'Allah vers Allah Azza wa Jal. Et cette catégorie, l'effroi, revient à la peur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, le désir fait partie de l'espoir et l'effroi fait partie de la peur. Quant à l'humilité, al-khushu', c'est le fait que le cœur soit humble et se soumette à Allah Azza wa Jal. Les savants ont dit que la place de l'humilité et dans le cœur. La preuve que ce qui a été mentionné sont des adorations et qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset a fait les éloges de ses serviteurs, les prophètes, comme étant ceux qu'il invoque par désir de ce qu'il y a auprès de lui, qui craignent son châtiment et font preuve d'humilité et de soumission. Également, dans ce verset, il y a une réfutation contre les soufis qui disent « Nous adorons Allah, nous n'adorons pas Allah par désir de sa récompense et non pas par crainte de son châtiment, mais nous l'adorons par amour. » Ceci est une parole fausse, car nous voyons que les meilleurs des prophètes, adoraient Allah, invoquaient Allah, par désir de ce qu'il y a auprès de lui, par crainte de son châtiment, tout en étant humble et soumis. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَدَلِيلُ الْخَشِيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. La preuve concernant la crainte et la parole d'Allah, ne les craignez pas, mais craignez-moi. Sourate Al-Baqarah, verset 150. L'auteur cite ici la huitième adoration qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. La crainte, qui est une catégorie de la peur. Mais la crainte est plus spécifique car c'est une peur qui est accompagnée de science et de connaissance de celui qu'on craint. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent réellement Allah Azza wa Jal. Surat Fatir, verset 28. Car ils ont la connaissance de leur Seigneur. Ensuite, l'auteur du livre a dit وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Il dit, la preuve concernant le retour vers Allah et la parole d'Allah, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Surat Az-Zumar, verset 54. L'auteur du livre cite ici la neuvième adoration qui doit être voué à Allah Azza wa Jal seul, le retour vers Allah. C'est le retour du cœur vers Allah à chaque instant. C'est le fait que le cœur retourne vers Allah à chaque instant. Et c'est en réalité un repentir sincère. Et aussi de se diriger complètement vers Allah après cela. C'est une catégorie qui revient au repentir. Il convient ici de mentionner les conditions du repentir. Premièrement, pour que le repentir soit accepté, il faut que la personne soit sincère dans son repentir. Deuxièmement, le fait de délaisser le péché dans lequel la personne est. Troisièmement, de regretter ce péché. Quatrièmement, d'avoir la ferme intention de ne plus revenir sur ce péché. Cinquièmement, si le péché est lié au droit d'une personne, alors il faut réparer ce tort. Sixièmement, il faut que le repentir se fasse dans un temps accepté, c'est-à-dire avant l'agonie de la personne ou avant que le soleil se lève de son coucher. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ » Il dit « La preuve concernant la demande d'aide est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons ou nous demandons l'aide. » Et dans le hadith, si tu demandes l'aide, demande-la à Allah. L'auteur cite après cela la dixième adoration parmi les adorations qu'il a citées qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. La demande d'aide implique deux choses. Premièrement, de s'appuyer et de confier ses affaires à Allah Azza wa Jal dans la demande et avoir la conviction qu'Allah lui suffit dans cette demande. La demande d'aide est de plusieurs catégories. La demande d'aide dans ce que seul Allah Azza wa Jal est capable de réaliser, parmi la recherche des biens et dans le fait de repousser un mal. Alors, faire cette demande ou demander cela à autre qu'Allah est du polythéisme et n'est pas permis. Comme demander l'aide des morts, des anges, des prophètes, des saints ou autres. Deuxièmement, la demande d'aide à autre qu'Allah dans ce qui est dans la capacité de cette personne, à condition que cette personne soit vivante, présente, capable. Comme le fait de demander l'aide pour porter, par exemple, des affaires. Ceci est permis. Allah Azza wa Jalla dit, « وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ Allah aide son serviteur tant que celui-ci est dans l'aide de son frère. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَوْلُهُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Il dit, la preuve concernant la demande de protection est la parole d'Allah Azza wa Jal dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante et dans sa parole dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le premier verset dans Surat al-Falaq, verset 1, et le deuxième verset, Surat al-Nas, verset 1. L'auteur du livre cite ici, la onzième adoration qui est vouée à Allah Azza wa Jal et dont il n'est pas permis de la vouer à autre qu'Allah, la demande de protection. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est de fuir une chose que l'on craint vers celui qui peut nous protéger contre cette chose. La demande de protection est une grande adoration qu'Allah Azza wa Jal a ordonnée. De même, il a blâmé ceux qui cherchent la protection auprès d'autres que lui. Il dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Et il y avait des gens parmi les hommes qui demandaient la protection auprès des djinns. La demande de protection est de plusieurs catégories. Premièrement, chercher la protection auprès d'autres qu'Allah contre un mal ou pour repousser un mal que seul Allah Azza wa Jal est capable de repousser. Ceci est du polythéisme. Et il n'est pas permis de la demander à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme chercher la protection contre un mal auprès des djinns, des morts, des saints, des prophètes ou autres. La personne qui fait cela a certes commis du polythéisme majeur. Deuxièmement, le fait de rechercher la protection auprès d'Allah contre un mal que seul Allah est capable de repousser. C'est ce qui est obligatoire, et la rechercher auprès d'autres qu'Allah est du polythéisme. Troisièmement, le fait de chercher la protection auprès de personnes présentes, vivantes et dans la capacité de nous protéger. Alors ceci est permis, comme la personne qui demande à une autre personne de la protéger contre, par exemple, les coups d'une tierce personne. Alors cette personne, sollicitée s'il en a la capacité, devra la protéger de cette personne injuste. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ » La preuve concernant la demande de secours est dans la parole d'Allah, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Sourate Al-Anfal, verset 82. L'auteur du livre cite ici la 12e adoration parmi les adorations qu'il a citées, qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. La demande de secours, c'est implorer le secours d'Allah Azza wa Jal, d'être sauvé d'une épreuve difficile. C'est en réalité une invocation, mais l'invocation est plus vaste, car l'invocation se fait en période difficile comme en période facile, alors que la demande de secours ne se fait qu'en période difficile, lors d'une grande épreuve. La demande de secours est de plusieurs catégories. Celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce que seul Allah est capable, comme demander le secours des morts, des saints ou des vivants, mais qui ne sont pas dans la capacité de secourir, comme croire que ces êtres ont des pouvoirs pour secourir ou donner la victoire. Ceci est du polythéisme et n'est pas permis. Deuxièmement, celle qui est demandée à une créature vivante présente ayant la capacité de secourir, comme celle qui a été relatée dans l'histoire de Moussa alayhi salam dans Sourate Al-Qasas, verset 15. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jalla dit, l'homme de sa tribu l'appela au secours contre son ennemi, Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Cette demande est donc permise si la personne est vivante, présente et dans la capacité de secourir. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِنَ السُّنَّةِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ » Il dit « La preuve concernant le sacrifice est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dit « En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. » Sourate Al-An'am, verset 162-163. Et dans le hadith, Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. L'auteur mentionne ici la 13e adoration qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul, le sacrifice. Le sacrifice, c'est le fait de se rapprocher d'Allah en faisant couler le sang d'une bête. C'est une adoration qui a un aspect extérieur et intérieur. Et celui qui voue cette adoration à autre qu'Allah a certes commis du polythéisme de manière apparente et cachée. Il y a dans le sacrifice la glorification de celui pour qui le sacrifice est accompli. Le sacrifice également est de plusieurs catégories. Premièrement, le sacrifice dans le but de se rapprocher, de glorifier et d'immensifier. Ceci n'est permis que pour Allah Azza wa Jal. Et celui qui sacrifie pour autre qu'Allah dans cette catégorie est un polythéiste. Comme le fait de sacrifier pour les démons, les djinns, dans le but d'être préservés de leur mal, comme sacrifier pour les sorciers, ou par ordre des sorciers, des devins ou autres, dans le but de chercher la guérison, la protection, ou avoir de l'argent, des enfants ou autres, comme ceci est répandu dans la communauté. Celui qui commet ce sacrifice a certes commis du polythéisme majeur. Ensuite, il y a le sacrifice que l'on fait pour la consommation de la viande ou pour la vente. Alors, ce sacrifice fait partie des choses permises bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il y a le sacrifice que l'on fait pour honorer un invité ou pour des célébrations comme la naissance ou le mariage. Alors ceci est permis et fait partie de la sunna. Ensuite, l'auteur du livre a dit « Wa dalilu an-nadhri qawluhu ta'ala yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira » Dans le sens, Allah Azza wa Jal dit « Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. » Surat Al-Insan, verset 7. L'auteur du livre cite ici pour finir la 14e adoration qui doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul. Le vœu. Le vœu, c'est de contraindre sa propre personne à des choses que la législation ne lui a pas ordonnées, comme le fait de s'obliger à accomplir des actes surérogatoires, comme le jeûne ou autre, parmi les actes justement surérogatoires. Celui qui prononce un vœu, alors il sera dans l'obligation de le réaliser, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man nazara an yuti'a Allah, fal yuti'ahu, wa man nazara an ya'siyahu, fala ya'sihi. » Quiconque a fait vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, mais quiconque fait vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. De même, nous voyons à travers ce hadith que celui qui fait vœu de désobéir à Allah, alors il ne lui est pas permis et il ne doit pas réaliser ce vœu de désobéissance. Quant à son statut religieux, beaucoup de savants sont d'avis que cette catégorie de vœux, le vœu surérogatoire, est déconseillé, car il implique un engagement de la personne et suscite une difficulté. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le vœu n'apporte rien de bon si ce n'est d'obliger l'avare à dépenser. Cela si le vœu est conditionné à quelque chose, comme le fait de dire « si Allah me guérit, alors je jeûnerai tant de jours » ou « je jeûnerai tant de jours ou je prierai tant de nuits ». Celui qui voue cette adoration à autre qu'Allah, comme vouer des vœux aux morts, aux idoles, aux saints ou autres, alors a commis du polythéisme. Voici de façon résumée les différentes adorations que l'auteur a citées à titre d'exemple. Pour la plupart d'entre elles, ce sont des adorations du cœur. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'accomplissement de ces immenses adorations, d'ancrer en nous le tawhid, de nous préserver du polythéisme apparent et caché. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.